Nique le fric que je l'ai pas, donc m'agite et j'ajoute ma voix sur le beat. Je débite et j'en ai rien à foutre de ta vie, de ton avis ou ta deal, de ton ami ou ta mise. Que t'as mis un truc dans le cul pour pas que le son te rende à l'anus à nul. Vouloir nous tester, on tous déteste les taupes et les tapes et les types qui se la pètent et t'appellent qui détendent. Détends, vois une minute à mamie, on boxe tous les minots, reste mignon. Freestyle général qui vaut des millions. Moi c'est le one man, là je m'éloignais, là je témoignais d'une vie sale ou démolie. Ça c'est la monnaie, on connaît, on sable comme les condés et ça le reconnaît. Même pas, on n'arrête pas de déconner. Chaque rime bien comme chaque Caraïbe, j'ai oublié mon texte. Strobe, mais c'est pas grave, c'est loin, non qui part en impro. Aïe, je crois que là j'ai mal à la tête. Et en fait, des gros, ça me casse les couilles comme un casse-tête. Aïe, les gros, écoute, c'est le Wano qui part en impro. C'est comme ça, un négro que là on tape le tempo. Aïe, demande aux photos, les frérots, les négros, c'est comme ça, appelle-moi, appelle-moi tempo. Aïe, tu connais déjà le truc, trop duc dans le rap, t'éduque et les mots les manger comme une étuque. Aïe, tu connais déjà la phase, les pots les écrase, simplement avec une phase. Ok, ok, mec. Yo, yo, ok, ok, mec. Dans ma ville, hein. Dans ma ville, y'a des crevards, des chiens, des bâtards, des battants comme partout, des bouffons, des battants dans le vice. Et l'hypocrisie ou la confiance, t'es conscient ou t'es con, ça se complique, t'es en transe. Dans les types, y'a des grands et des petits, des mythes que j'entends, de grands par les petits dans l'esprit. Non, personne n'a grandi, non, y'en a qui ont mûri quand ils ont vu des gens mourir dans les sticks. On sait pas ce qu'il y a, mais les dealers le vendent, je comprends. On l'a tous fait pour de l'argent domestique, c'est toi qui le prends, donc pour nous t'es dépendant. C'est un mystère, mais tu le sais en m'écoutant. De toute façon c'est pareil, toutes les décisions tarées à ce qui paraît. Donc je parle de la mienne car je suis marié. De toute façon c'est pareil, toutes les décisions tarées à ce qui paraît. Donc je parle de la mienne car je suis marié. De toute façon c'est pareil, toutes les décisions tarées à ce qui paraît. À la mienne, je suis marié. Dans ma ville, mec, y'a tous les bleds, des traits qui veut piquer ta meuf, même si elle est laide. Dans le style, y'a tout et puis c'est tout. Y'a même des gars qui veulent se faire de la publicité. Dans ma vie, j'ai galéré sans sortir de ma cité. J'ai commencé à rapper, puis mes potes m'ont incité. Dans ma clique, y'a pas de pute, pas de timide. Compte des blocs direct si tu fais le petit timide. Dans l'équipe, tu sais y'a qui, c'est Wano et Kéor. Avec le reste du possible, dans ma mif, on est trop. Comme pas possible, on peut traiter en poussière sans que je ramène ma tessie. J'entends dire, des fois y'a rien dans ta ville. Mais c'est pas le cas, sinon il y aurait pas ma vie. Que le kick, y'a ma voix, et ça s'entend. Je viens hanter le rap, m'a pas invité. Je suis rentré, je suis rentré, je suis rentré. Dans ma ville, tout le monde a une répute, même les putes elles se la pètent. Même après que tu les pètes, dans la street c'est la rue, c'est l'espoir, c'est l'avenue. C'est nul mais je le nie, car ma ville c'est mon nid. Dans la nuit, y'a des casses de caisse sous ton palier. Et des tasses qui se font guettes dans des caches d'escalier. J'entends rire, alors que c'est pas marrant. Si nos parents nous verraient, franchement c'est très alarmant. Dans le mille j'ai touché, au cœur du quartier. C'est parce que tu m'as cherché, car c'est là que tu vas me trouver. Dans ma cible, est-ce que j'ai pas ce que je veux de pire à grands pas. Et des têtes que je quitte, je tire et je loupe. Dans ma rime j'en place une pour le neuf de garçon. Et mon QG aussi le plus si Robinson. Dans ma ville y'a toujours des gars et un peu de go. Et des fous qui de leur côté mettent un peu de coke. C'est la thèse. Et quand on est trop chaud la police t'est. Comment te dire on est dans la merde par politesse. C'est la thèse. Et quand on est trop chaud la police t'est. Comment te dire on est dans la merde par politesse. A boule mère maudit. Nostem, RTR, Big Bill et Dumir, Fetra et Mère. Rax, Butch, Bim Bim et Placo.